une histoire particulière. Adélaïde Oval, nous avons fait sa connaissance hier à travers le documentaire de Dominique Prussac et Anna Schmuck. Heidi, fille de pasteur, étudie la médecine à Strasbourg et se spécialise en psychiatrie infantile. En 1942, en franchissant la ligne de démarcation, elle est arrêtée et emprisonnée. Partageant sa cellule avec une femme juive affligée de l'étoile jaune et scandalisée par ce marquage, elle s'en fabrique une en papier. En représailles, les autorités allemandes la déclarent amie des juifs et l'internent dans les camps pour juifs de Pithiviers, puis Beaune-la-Rolande, avant de la déporter à Auschwitz-Birkenau, puis à Ravensbrück. Ceux et celles qui l'ont croisée reconnaissent en elle une droiture morale et une exigence absolue du respect de la personne humaine. Avec courage et obstination, elle n'aura de cesse de tenter de sauver de nombreuses femmes promises à la chambre à gaz. Voici la suite de son histoire. Génia, vous l'appeliez Adélaïde ou Heidi à cette époque-là ? On appelait Madame le Docteur. On l'appelait Madame la Française. Docteur Adélaïde Oval, l'éthique contre la barbarie. Un documentaire de Dominique Prussac et Anna Schmuck. Génia, vous partez de Belgique le 19 avril 1943 et vous arrivez le 22 avril 1943 à Auschwitz. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Alors, l'arrivée, donc à 6h du matin, il faisait à peine jour. Génia ou bœuf ? Le train se met à chercher une voie. Il recule, il avance, il recule. Donc, il devait se garer sur une voie. Les portes s'ouvrent. Alors, immédiatement, les cris, les chiens, les SS, des cris schnell, schnell, schnell, absteigen, schnell, schnell, toujours, c'est toujours schnell. Et puis après, des haut-parleurs sont passés en disant « Laissez vos bagages, laissez tout, vous les retrouverez demain matin. » Et puis alors, on a regardé autour de nous où nous étions. Alors là, ça a été un silence de mort. Je ne me souviens même pas d'avoir entendu un enfant pleurer ou crier. La première des choses qui nous a effrayés, c'est l'odeur. L'odeur pestilentielle de calcination, de chair brûlée. Nous avons regardé autour de nous, la plaine immense, pas un arbre, pas un être humain. Nous avons remarqué à notre gauche un très très grand mur de briques, noir, mais noir, noir fumé, avec un très très grand porche au centre, ce porche surmonté d'un mirador. De l'autre côté de la voie où nous étions descendus, une très grande file de camions. Nous étions là, à moitié éveillés, à moitié par terre, à moitié debout. Immédiatement, on nous a fait reculer du wagon et aligné sur un quai. Sur le quai, nous avons peut-être 10 minutes, pas plus. 10 minutes, immédiatement sont passés des SS. Et alors, c'est les premiers déportés qu'on a vus, avec les vêtements rayés, qui essayaient de mettre un peu de l'ordre et essayaient d'aider les gens qui étaient tombés à se relever. Et on nous a tous parqués, mais tous mélangés pêle-mêle, sur ce grand quai. Nous sommes restés, mais très très très peu de temps, peut-être 10 minutes, à nous ressaisir. Immédiatement sont passés des haut-parleurs en disant les femmes, les enfants, les vieillards, ceux qui ne peuvent pas marcher ou qui veulent pas marcher, vous montez sur les camions. Et les autres, les jeunes, ceux qui peuvent travailler, qui sont aptes, vous restez sur le quai. C'est ce qui s'est fait, mais avec une méthode, une rapidité, un ordre extraordinaire. Donc les gens, les femmes, les enfants, tous les vieillards, sont montés dans les camions. Et les jeunes qui voulaient y monter, la SS disait « vous restez sur le quai ». Les camions sont revenus à vide, ont repris les mêmes catégories de gens, toujours la même chose sous le porche, et disparu au loin. Mais au loin, on se demandait où est-ce qu'ils allaient. Et alors, entre nous qui étions restés sur le quai, comme on voyait des grandes cheminées dans le lointain, avec une cheminée, les flammes sortaient de la cheminée, on s'est dit entre nous, on était relativement jeunes, ben, c'est un camp de travail, il y a des cheminées. Nous sommes restés sur le quai, donc. Il y avait une centaine de femmes jeunes et une centaine d'hommes jeunes, sur le même quai, mais séparés. Et sont arrivées des femmes SS, qui sont venues, elles nous ont entourées, une dizaine de femmes SS, et elles nous ont dit, mettez-vous en rang par cinq. Et elles nous ont fait marcher pendant 2 kilomètres jusqu'à ce que nous sommes arrivés au camp d'Auschwitz même. En fait, pour ce qui est d'Auschwitz, Bruno Alioua, à Auschwitz, il y avait environ 4000 gardes. Et il y avait en permanence entre 8 à 10 médecins. Néanmoins, ces 8 à 10 médecins jouaient un rôle fondamental dans ce que Robert Lifton a appelé l'écologie d'Auschwitz. Je m'entends. Chaque jour, à Auschwitz, arrivaient des wagons venant remplis de juifs venant de toute l'Europe occupée. En moyenne, chaque jour, il arrivait parfois 1000, 2000, 3000, 4000, voire 8000 personnes, comme cela a été le cas au cours de l'été 1944. Parmi les personnes, le médecin SS était chargé de faire en fait la sélection à l'arrivée de ces convois pour sélectionner ceux qui allaient rentrer dans le camp pour travailler dans l'ensemble du complexe industriel d'Auschwitz-Birkenau et ceux qui allaient être dirigés vers les chambres à gaz. Les médecins SS d'Auschwitz ont exigé que ce soit eux qui soient chargés de cette sélection parce qu'ils estimaient que seul un médecin était capable de reconnaître une personne capable de travailler ou ne pas travailler. Et les médecins étaient en fait chargés de réguler le flux des entrées à Auschwitz, mais également, ils étaient à l'intérieur du camp chargés d'exécuter, en fait d'envoyer à la chambre à gaz les déportés qui étaient fatigués, harassés par un travail exténuant, soumis à des brutalités et à un état de sous-alimentation extrême. Et également, le médecin était chargé de vérifier la bonne marche des chambres à gaz. C'est-à-dire que c'était un médecin, c'était une ambulance avec la Croix-Rouge qui amenait les pots de Zyklon B. C'était un médecin qui vérifiait que les personnes étaient mortes dans les chambres à gaz. Or, ces médecins ont laissé un souvenir horrible pour tous les déportés, et le plus emblématique de ces médecins d'Auschwitz était le docteur Joseph Mengele. Une des nombreuses sélections. Mais cette fois-ci, Mengele, au lieu de procéder de la manière habituelle, c'est-à-dire d'inscrire celles destinées à être gazées, fait noter le numéro de celles qui ne le seront pas. C'est machiavélique. Bientôt, les détenus s'en rendent compte. Beaucoup, voyant l'imminence de la sélection, avaient pris la fuite. Elle se rue sur la porte, la force. Mengele consent à faire un nouveau tri. On les a toutes amassées dans une baraque. Mengele entraîne son aide SS dans un coin. Ils conviennent évidemment d'un signe. Le défilé commence. Il y en a parmi elles qui n'ont aucune chance d'échapper au verdict, amputées, atteintes de fractures ou de plaies étendues. L'espoir et l'instinct de conservation sont des facteurs puissants. Tous les numéros sans exception sont inscrits. J'essaie de découvrir le signe convenu et je finis par comprendre. Mengele, son stylo mine à la main, abaisse sur lui son pouce chaque fois qu'il s'agit d'un verdict de mort. Il le laisse en l'air lorsque, pour cette fois encore, la victime est laissée parmi les vivants. Adélaïde Oval. À un moment donné, Mengele vient la trouver, lui demande de participer à ses atroces travaux sur les jumeaux. George Hopman. Mais il a très rapidement compris qu'elle ne le ferait pas. Et donc il a dit à son entourage, je ne peux pas la forcer à faire ce qu'elle ne veut pas faire. Voilà. Donc en fait, elle était finalement la seule personne qui ait pratiquement osé refuser de collaborer avec Mengele. Ce qui est étrange parce que Mengele était vraiment un boucher. Qui était l'ange de la mort, n'est-ce pas ? Au mois de mars, elle est appelée par le médecin-chef de tout le complexe d'Auschwitz, car c'est tout un complexe. Marie von Braunschweig. Le camp de base Auschwitz I étant une ancienne caserne polonaise où sont uniquement détenus des hommes, sauf, dans un bloc, le fameux bloc 10, où se trouvent, depuis peu d'ailleurs, ça vient d'ouvrir à ce niveau-là, 500 à 600 femmes juives qui servent de cobayes pour des médecins nazis chargés de faire des expériences en vue de remodeler la population, soit en empêchant des naissances, en stérilisant des femmes, soit au contraire en multipliant les naissances pour le peuple supérieur. Et c'est là que Adélaïde Oval est appelée par le docteur Wirth pour, comme il le disait, faire de la gynécologie. Alors, tout au début, il y a eu simplement des examens gynéco, mais normaux, tout à fait normaux, sans aucune intervention, absolument pas. C'est là qu'intervenue Adélaïde Oval pour ses examens normaux, gynécologiques. Mais nous ne savions absolument pas ce qui se passait. Et alors, moi, je suis tombée dans le groupe du docteur Schumann. Docteur, entre parenthèses, hein. On pourrait plutôt dire le boucher, Schumann. Et mes autres copines, l'une c'était Glauberg, l'autre c'était Wirth. Celle qui était chez Wirth, c'était le par hasard, mais tout à fait par hasard. Vous voyez, il y avait 100 femmes. Et alors, à un moment donné, lorsque nous avons passé les premières visites, si vous voulez, il y a eu une sélection. Les médecins respectifs ont regardé parmi le groupe qu'ils avaient celles qui ne leur convenaient pas. Par exemple, Schumann ne voulait pas de femmes qui avaient déjà eu des enfants. Donc toutes nos malheureuses compagnes, dont ma mère, qui étaient dans ce groupe, qui ne convenaient plus à ce qu'ils voulaient, elles sont parties à Birkenau. Et quand il arrivait des nouveaux convois, puisqu'il en arrivait tous les jours, les médecins retournaient rechercher d'autres femmes qui revenaient au bloc 10, remplacer celles qui étaient parties à Birkenau. Vous saviez à ce moment-là que vous étiez des cobayes pour ces médecins ? Ça ne nous est même pas venu à l'idée. C'est après. Après que, par exemple, avec Schumann, quand nous avons été à Birkenau, c'est là qu'on a appris ce que c'était. Et c'est seulement quand Adélaïde Oval, on a eu un contact avec elle, qu'on s'est rendu compte que c'était autre chose. Himmler voulait faire des stérilisations en masse, et parallèlement aux exécutions, évidemment, aux chambres à gaz, de stériliser les femmes, d'en faire au moins 1000 par jour. Et Glauberg s'est vanté à un moment donné d'y arriver. Si vous me donnez une dizaine de personnes d'assistants pour m'aider, je peux stériliser 1000 femmes par jour. Et par contre, les autres expériences qui étaient faites donc de stérilisation par irradiation, elles ont été rapidement arrêtées parce que on considérait que on pouvait pas le faire assez rapidement, que c'était pas aussi radical que la méthode de Glauberg. Et que ça coûtait aussi plus cher, n'est-ce pas? La méthode de Glauberg, ça coûtait presque rien, injecter un peu de formol dans l'utérus. C'était vite fait et ça coûtait pas cher. Joseph Pasteur, Les dossiers de l'écran, 23 septembre 1976. J'ai ici, dans cet excellent ouvrage de Betty et Robert Poltruc sur les médecins de la honte, copie d'une correspondance échangée par le responsable d'un laboratoire pharmaceutique allemand très connu et très prospère à notre époque, qui dit ceci, première lettre, « Pouvez-vous nous fournir 150 femmes sur lesquelles nous serions désireux de faire l'expérience d'un nouveau soporifique, et ceci à quel prix ?» Réponse du commandant d'Auschwitz, Nous sommes prêts à vous livrer sur sélection les femmes demandées à raison de 200 marks par tête. Lettre du laboratoire en question, nous vous accusons aux réceptions de votre lettre, mais nous trouvons le prix trop élevé. Nous offrons 170 marks par femme. Lettre du commandant du camp, votre demande est agréée, les femmes ont été sélectionnées et partiront dès ce soir. Et dernière lettre du laboratoire au commandant du camp, le convoi de 150 femmes est bien arrivé, mais les expériences n'ayant pas été concluantes, ces femmes étant décédées, nous vous prions de bien vouloir nous en envoyer un autre lot de femmes du même nombre et au même prix. Ces gens-là n'étaient pas fous, puisqu'ils sont encore là. Mais les femmes devaient terriblement souffrir. Les femmes souffraient horriblement, n'est-ce pas ? Elles étaient terrorisées, souffraient énormément. Parce qu'en plus de cela, il y avait non seulement les injections pour la stérilisation, mais aussi les injections pour trouver un nouveau moyen de contraste radiologique. Parce que, vous savez, les produits de contraste radiologique sont en base d'iode. Et l'iode était devenu très rare en Allemagne. On avait demandé à Klauberg de trouver une autre méthode et il avait utilisé à ce moment-là des solutions de nitrate d'argent. Et ça, c'était extrêmement douloureux. Les femmes, on les entendait crier, paraît-il, dans tout le bloc, n'est-ce pas, lorsque ces injections étaient pratiquées. Et en plus, évidemment, ensuite, il y avait des conséquences, des infections, des hémorragies. Les femmes, ensuite, étaient complètement abandonnées. Une fois que l'expérience était faite, on les renvoyait à Birkenau, où ils devaient recommencer à travailler ou être exterminées. D'autres qui pouvaient rester un peu plus longtemps pour être soignés. Enfin, c'était vraiment la négation complète de ce qu'est la médecine, n'est-ce pas ? Voilà. Je me souviens avoir conversé longuement à Auschwitz avec un médecin SS, qui était vraisemblablement un excellent homme. Il me dit « Vous ne comprenez pas, nous ne sommes pas responsables, nous ne sommes que des instruments. » Si l'élite d'une nation dont les médecins font partie, en un sens, se considèrent comme des instruments, cela devient extrêmement dangereux. Adélaïde Oval. Alors, en fait, très vite, les médecins considèrent qu'ils sont au service de l'État et non pas au service des êtres humains. Que l'État passe avant toute chose. L'État prime sur l'être humain. Et en particulier au sein des camps, les médecins considèrent que les déportés ne sont plus des êtres humains, ne sont plus que des êtres humains, entre guillemets, en sursis. Ce qui va se passer, c'est que ces médecins sont souvent, en fait, c'est souvent des médecins jeunes. Mais il n'y a pas que des médecins jeunes, mais il y a une grande proportion de médecins qui viennent de terminer leurs études. Et finalement, ils se retrouvent embrigadés dans un système. C'est beaucoup de médecins qui sont... Alors, quelques-uns sont membres du parti nazi, d'autres pas. Mais pour les médecins SS, tous sont membres du parti nazi. Et en fait, on a affaire à des gens qui sont complètement endoctrinés. Et donc, qui ont oublié que ce sont des êtres humains auxquels ils ont affaire. Donc dans les camps, bah, pour eux, et d'ailleurs, le langage va être très important, puisque on ne nomme pas une personne, un déporté, ça devient un stuc, enfin... Un numéro. Un numéro. Une personne qui est tuée, c'est un objet. Enfin, on a une complète oubli que cette personne, c'est une personne avec un cœur, avec un cerveau, avec un foie, avec... On a affaire à des gens qui ont complètement oublié qu'ils ont affaire à des êtres humains. Ça revient un petit peu à la notion établie par le régime nazi. C'est-à-dire qu'Adolf Hitler, qui avait été imprégné par ses idées d'hygiène raciale, en fait, a inculqué à l'ensemble du peuple allemand l'idée selon laquelle une personne qui n'était pas de race allemande n'était pas considérée comme un être humain à part entière. Genia, un beau jour, on vient vous chercher. Comment ça se passe ? Dans ce bloc ? Oui. Eh bien, simplement, il y a un appel. Les femmes SS nous crient au bas de l'escalier le numéro un tel, un tel. Et on se retrouve, une trentaine de femmes, réunis dans le bas, on nous met en rang par cinq et on marche jusqu'à Birkenau. Tout simplement. Arrivé à Birkenau, là, l'angoisse commence. L'angoisse commence rien que l'odeur du camp, la boue, les femmes, mais une odeur pestilentielle comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Et les femmes dans un état, la baraque qui contenait les appareils radiologiques de Schumann se trouvait à l'écart du camp. Alors moi, personnellement, je n'avais jamais vu un appareil de radiographie. À mon époque, il fallait vraiment avoir un cas grave pour avoir une radiographie. Donc, pour moi, l'appareil était monumental, grand, mais très rudimentaire. Vous savez, il y avait deux grands montants avec deux bras. Et au bout de ces bras, il y avait un cube de bois devant et devant l'autre. Et on se mettait entre ces deux cubes de bois, donc un cube sur le ventre et un sur les reins. Schumann, il passait derrière un petit mur, et puis il nous est sorti, ressortait, on repartait, et puis on attendait. Donc nous étions à peu près 30 femmes, et comme ça, une par une. Moi, je suis passée la deuxième, il y avait la première, la deuxième, la troisième. Je n'ai rien vu, je n'ai rien senti. Ce qui nous a étonnés, c'est qu'après, les femmes successives, elles avaient des carrés bruns sur le ventre. On s'est dit, c'est curieux, ça. Et puis, au plus ça allait, au plus les carrés bruns étaient plus foncés. Et les dernières des 30 avaient vraiment brun, et puis elles avaient mal. Elles avaient très, très mal. Et elles se tordaient de douleur quand on s'est remis en rang 30. Et on est reparti à Auschwitz. Il y avait à peu près 2 ou 3 kilomètres. Comme ça, les 30 femmes. Alors les unes, moi je marchais normalement. Et mes premières, les 5 premières, on marchait normalement. Et on s'est dispersés dans les rangs pour aider nos autres copines, les dernières, qui ne pouvaient pas marcher tellement qu'elles avaient mal. On s'est aidés comme ça. Et puis alors les femmes essaient, tout simplement, nous ont fait monter à l'étage. C'est tout. Mais que sont devenues ces femmes ? Alors, ces femmes, elles ont été opérées, celles qui avaient le ventre vraiment brun. Elles ont été opérées à Auschwitz même, par le fameux Dering, un médecin prisonnier résistant polonais, qui les a opérées. Et moi, je les ai revues. Elles sont revenues au bloc 10, celles qui ont été opérées. Alors, moi, je n'avais jamais vu une femme opérée. Elles sont revenues avec le ventre ouvert comme ça en croix et resserrées, mais mal resserrées, mal agrafées, grossièrement recousues, mais très grossièrement. Et je me souviens toujours, elles étaient normales parce qu'il n'y a pas longtemps qu'elles étaient au camp. Et alors, comme il n'y avait pas de pansements, les pansements, c'était des rouleaux de papier hygiénique. Vous avez les papiers. Et comme ça suppurait quand même, ça, vous savez, ça, c'était pas net. Donc ça suppurait. Donc ce papier était très, très vite mouillé. Alors elle se tenait le ventre avec les mains et pour que le papier reste collé le plus longtemps possible. Adélaïde Oval, d'abord, va être un grand réconfort pour ces femmes en donnant à ces femmes un certain nombre de conseils pour mieux se comporter, pour mieux survivre. Elle va protéger certaines femmes qui étaient malades, qui avaient par exemple le typhus et qui, si les Allemands s'en étaient aperçus, les auraient immédiatement envoyées à la chambre à gaz. Et donc là, elle les maintient à l'étage où ne vont jamais les médecins nazis et permet qu'elles soient oubliées le temps qu'éventuellement elles guérissent d'elles-mêmes. Et moralement, elle les réconforte aussi beaucoup. Alors Adélaïde Oval, c'était, vous savez, elle avait une chambre dans le bas, puisqu'elle était médecin, elle avait sa chambre. Adélaïde Oval, on lui avait laissé les cheveux. Adélaïde Oval était une très grande femme, très réservée, d'une droiture incroyable. Et dès que nous avons vu qu'il y avait, elle avait le signe de résistante est française. Nous lui avons sauté dessus, étant belge et francophone, lorsque nous avons pu descendre aux toilettes et que nous avons pris contact, on a discuté avec elle. Elle nous expliquait comment résister le plus possible. Elle nous disait, on sortait de temps en temps cueillir des herbes et des pissenlits à l'extérieur pour les laboratoires. Alors elle nous expliquait ce qu'était qu'un pissenlit. Moi je vous avoue que j'avais jamais vu un pissenlit de ma vie. Essayez d'en manger sur place en vous cachant, mais essayez d'en rentrer un petit peu pour celles qui ne sortent pas. Et pour elle, c'était un esprit de résistance, d'essayer de nous tenir le moral, d'essayer que nous l'avions le plus possible, que nous bougions. Mais vous savez, chaque communauté, si vous voulez, restait sur ses gardes. Les nazis, en quelque sorte, étaient assez impressionnés par elle, parce que c'était une femme très rigoureuse. Elle s'occupait des feuilles de température de façon, elle les tenait de façon remarquable parce qu'elle m'expliquait que, en fait, ces feuilles étaient envoyées à Berlin aux autorités allemandes qui, avec cela, pouvaient essayer de démontrer que, en fait, que les femmes étaient bien traitées. Mais elle falsifiait les feuilles, n'est-ce pas, ce qu'elle a écrit dans ses mémoires, n'est-ce pas. Et puis elle dissimulait les vrais diagnostics, lorsqu'il y avait une maladie sérieuse, elle le dissimulait, elle modifiait les feuilles de température, elle modifiait les degrés de température, elle inventait des examens biologiques qui n'avaient pas été faits, etc. Et surtout, elle refusait, à la fin de son rapport, d'écrire qu'une personne était incapable de travailler parce que ceci signifiait le passage dans la chambre à gaz. Ça, c'était sa technique. Donc, elle a manipulé, finalement, ses médecins. Elle a manipulé les Allemands, n'est-ce pas? Et tout ça pour sauver les personnes, n'est-ce pas, qui arrivaient au revire, n'est-ce pas. Elle faisait tout pour les sauver. Elle changeait aussi les dates d'arrivée dans le revire, parce qu'en principe, les personnes ne devaient pas rester... On précise que le revire, c'est l'infirmerie. Hein. Oui, l'infirmerie. Elle ne devait pas rester plus que 10 ou 15 jours, n'est-ce pas. Donc, elle falsifiait la date d'arrivée pour qu'elle puisse les garder et les soigner plus longtemps. Mais comment peut-on expliquer qu'elle n'ait pas été envoyée à la chambre à gaz avant? Parce que finalement, elle résistait aux médecins nazis, elle apportait de l'aide aux femmes déportées. Oui, parce que justement, les médecins nazis étaient assez impressionnés, n'est-ce pas? Et dans un rapport qu'elle avait écrit pour Yad Vashem, elle avait écrit que, en fait, certains médecins nazis la protégeaient. Parce que, bon, ils avaient la considération pour elle, elle parlait bien l'allemand, n'est-ce pas? Elle était très cultivée. Donc, en quelque sorte, ils savaient qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui était d'un haut niveau et que peut-être il ne fallait pas l'exterminer. Ce qui m'a énormément impressionné lors de toutes ces expériences médicales menées par les nazis, c'est la vulnérabilité de la nature humaine. Nous avons toujours pensé ici en France que nous étions placés au-dessus de certaines pratiques, de certaines théories. C'est faux. Il suffit d'être endoctriné pendant des mois, des années, pour finir par y croire. Dès lors qu'on est persuadé que certains peuples sont inférieurs, il devient alors tout à fait normal de mener des expériences sur ces personnes sans qu'aucun raisonnement ne puisse vous arrêter. Adélaïde Oval. C'était Dr Adélaïde Oval, l'éthique contre la barbarie. Merci à Bruno Alloua, Georges Hopman, Genia Obeuf et Marie-Vonne Braunschweig. Lecture Gabriel Forest. Archive INA Sabine Dahuron. Coordination Christine Bernard. Prise de son Yvan Turc, Marie Le Peintre. Mixage Jean-Michel Bernot. Un documentaire de Dominique Prussac, réalisé par Anna Schmuck. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30. Il sera question de peinture fluorescente, mais c'est une autre histoire.